France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Depuis 6 ans, le Théâtre du Châtelet à Paris fait découvrir au public parisien un auteur-compositeur de comédie musicale de génie méconnu de ce côté de l'Atlantique, si ce n'est qu'on sait qu'il a travaillé en tant que parolier sur West Side Story, Stephen Sondheim. En 2010, Lambert Wilson et Leslie Caron jouaient dans A Little Night Music, comédie musicale inspirée du film d'Ingmar Bergman, Sourire d'une nuit d'été. L'année suivante, on découvrait un musical grand guignol, sanglant, c'était Sweeney Todd, le barbier de Fleet Street. Et puis il y a eu Sunday in the Park with George, autour de George Seurat et du statut de l'artiste dans la société. Et enfin, il y a 2 ans, un musical qui revisitait les personnages des contes de fées Into the Woods. Et bien dans 10 jours, nous allons pouvoir découvrir à Paris l'œuvre la plus intimiste et romantique de Stephen Sondheim, Passion. Alors cette fois, c'est inspiré d'un mélodrame de Ettore Scola, Passion d'amour, un film où Bernard Giraudot incarnait un militaire italien qui tombe irrésistiblement amoureux dans la caserne d'une femme laide et malade. Je vous propose ce matin de découvrir cette comédie musicale atypique en compagnie de ceux qui sont en train de répéter à Paris. Les comédiens chanteurs Nathalie Dessay, Ryan Silverman, le directeur musical Andy Einhorn et puis aussi en compagnie de Stephen Sondheim que j'ai eu la chance de rencontrer à New York. Bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de Stephen Sondheim sur la 42e rue et c'est bien. Playgoers, I bid you welcome. The theater is a temple, and we are here to worship the gods of comedy and tragedy. Tonight, I am pleased to announce... A comedy! We shall employ every device we know in our desire to divert you. Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing with kings, nothing with crowns. Bring on the lovers, liars, and clowns. Old situations, new complications. Nothing portentous or polite. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Something exotic, something erotic, something for everyone, a comedy tonight. Something expensive, something offensive, something for everyone, a comedy tonight. Something convulsive, something repulsive, something for everyone, a comedy tonight. Something aesthetic, something frenetic, something for everyone, a comedy tonight. Nothing with gods, nothing with fate. Weighty affairs will just have to wait. Nothing that's formal, nothing that's normal. No recitations to recite. Open up the curtain. Comedy tonight. It all takes place on a street in Rome, around and about these 3 houses. first, the house of Aronius, a befuddled old man, abroad now in search of his children, stolen in infancy by pirates. Something for everyone, a comedy tonight. Something erratic, something dramatic, something for everyone, a comedy tonight. Frenzy and frolic, strictly symbolic, something for everyone, a comedy tonight. A buyer and seller of the flesh of beautiful women. That's for those of you who have absolutely no interest in pirates. Finally, the House of Senex, who lives here with his wife and son. Also in the house lives Pseudolus, slave to the sun. Pseudolus is a role of tremendous nuance and variety and played by an actor of such... Let me put it to you this way. I play the part. Comedy tonight. And now, the entire company. Comedy tonight. Something that's gaudy. Something that's gaudy. Something for everybody. Comedy tonight. Nothing that's grim. Nothing that's Greek. She plays Medea later this week. Stunning surprises. Cunning disguises. Hundreds of actors out of sight. Pantaloons and tunics. Courtesans and eunuchs. And bases. Tenderous, philanderers, cupidity, timidity, mistakes, fakes, rhymes, and tumblers, grumblers, fumblers, bumblers, no royal curse, no Trojan horse. And a happy ending, of course. Goodness and badness, man in his madness. This time it all turns out alright. Tragedy tomorrow. I'm just a Broadway baby, walking off my tired feet, pounding 42nd Street to be in a show. Oh, Broadway baby. Learning how to sing and dance, waiting for that one big chance to be in a show. Oh, gee, I'd like to be on some marquee, all twinkling lights, a spark to pierce the dark from Battery Park to Washington Heights. All my dreams will be repaid. Heck, I'd even play the maid to be in our show. Hey, Mr. Producer, I'm talking to you, sir. I don't need a lot, only what I got, plus a tube of grease paint and a follow spot. I'm a Broadway baby, slaving at a 5 and 10, dreaming of the great day when I'll be in a show. Oh, Broadway baby, making rounds all afternoon, eating at a greasy spoon to save on my dough. Oh, at my tiny flat, there's just my cat, a bed and a chair, still I'll stick it till I'm on a bill all over Times Square. Someday maybe, if I stick it long enough, I may get to strut my stuff, working for a nice man like a Ziegfeld or a Weiss man in a great big Broadway show. De la comédie signée Sondheim en guise d'hors d'œuvre, nous avons débuté avec Comedy Tonight, le numéro qui donne le la au début de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. C'était dans sa version 1998 à Broadway avec Jason Alexander, et puis à l'instant le triomphe allait pour la grande Helen Stritch dans Broadway Baby, extrait de la comédie musicale Follies. Deux titres qui sont extraits d'une compilation qui vient de sortir chez Sony Masterworks qui s'intitule L'Essentiel Stephen Sondheim, The Essential Stephen Sondheim. Et maintenant plongeons donc dans le romantisme et dans Passion, dont la première française avec Nathalie Dessay a lieu dans 10 jours. Un spectacle hors norme, créé en 94 à Broadway, une sorte d'opéra de chambre. Alors voici comment s'ouvre le spectacle. Nous sommes dans une chambre, ensoleillée, en Italie, deux corps, une belle blonde, un soldat dans un lit. Le duo s'intitule Happiness, mais il y a comme un arrière-goût d'amertume dans cette chanson. Le soldat doit changer de garnison, quitter la ville. La séparation guette. I'm afraid I'll die here in your arms. What would you do if I died like this right now here in your arms? That we ever should have met is a miracle. No, inevitable. And inevitable, yes, but I confess it was the look. The look. The sadness in your eyes that day when we glanced at each other. We were both unhappy. Unhappiness can be seductive. You pitied me. How quickly pity leads to love. All this happiness merely from a glance in the park. So much happiness, so much. I thought I knew what love was. we might have met so much sooner. I could I have thought given I knew you what love was. I thought I knew how much I could feel. All the time we lost. I didn't know what love was. I've never was, known what love was. But now I do. It's what I feel with you. The happiness I feel with you. So much happiness. You are so beautiful. Happening by chance in a pond. Not by chance, by necessity. Surely this is happiness. By the sadness that we saw in each no other. No one else has ever felt before. Just another love story. That's what they would claim. Another simple love story. Aren't all of them the same? But this is more, we feel more. This is so much more. Like every other love story. Some say happiness comes and goes. Then this happiness is a kind of happiness no one really knows. I thought I knew what love I know was. What love I thought it was no more than a name for yearning. I thought it was what kindness became. I'm learning. I thought where there was love, there was shame. That with you. But with you, there's just happiness. Endless happiness. What? I've been transferred to the 4th Brigade. Oh, Clara, please, don't look so sad. You're the one that makes me happy. God, you are so beautiful. I love to see you in the light. Clear and beautiful, memorize every inch, every part of you to take with me. Giorgio. Your feet so soft as if they'd never touched the ground. I must go. Your skin so white, so pure, so delicate. Your smell so sweet, your breath so warm. I will summon you in my mind. I'm painting you indelibly on my mind. Let me go. We must fill every moment. All this happiness ended by a word in the dark. Oh, my love. My so darling, much happiness wasn't meant to last. I am here, I am with you, I am I never yours. Knew what love was. Your skin, your I silken hair, your breasts, it. Your lips. I want didn't you know every what minute love of my was. Life. I don't know how to live when you're gone. I will always be I here. Don't know Marine Mezzi et Jerry Cheer étaient Clara et Giorgio à la création de Passion. C'était à Broadway au Plymouth Theatre en 1994. Passion, passion, qui est donc inspiré du film Passion d'amour d'Ettore Scola de 1981. Bernard Giraudot y interprétait Giorgio, un militaire de carrière en Italie à la fin du 19e siècle, qui décide de raconter 5 années difficiles. 5 années où il fut amoureux de 2 femmes à la fois. Clara, la femme mariée, que nous avons surprise dans son lit à l'instant, et puis Fosca, la cousine malade du colonel de la garnison où va être déplacé Giorgio, une femme souffrant d'une maladie grave. Alors qu'il écrit des lettres à Clara, il tombe sous le charme obscur de cette cousine. C'est la 14e comédie musicale de Stephen Sondheim dont il écrit paroles et musique. C'est juste après Into the Woods, juste après Assassin. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Stephen Sondheim à New York. Et je lui ai demandé comment lui était venue l'idée d'adapter ce film d'Ettore Scola. I liked Ettore Scola's movies, and so I saw this one. I was very taken by the fact that it looked like this woman had this obsession with this fellow, And I suddenly realized right at the beginning that the story was going to be about. J'ai vu le film d'Ettore Scola et je l'ai aimé. Ce qui m'a touché, c'est l'obsession que cette jeune femme semblait porter envers ce jeune homme. Et j'ai réalisé dès le début que l'histoire de passion raconterait non pas comment elle tombe amoureuse de lui, mais comment Giorgio tombe amoureux d'elle. Et pour moi, c'est une histoire fascinante. Alors ensuite, j'ai lu le roman qui a inspiré le film. C'est un roman épistolaire. Tout est raconté à travers des lettres. Mon challenge, c'était comment faire une comédie musicale à partir d'une série de lettres. Vous savez, pour moi, quand je compose une comédie musicale, le contenu dicte la forme. Donc, j'ai pas choisi la forme de passion. Des lettres impliquent qu'il n'y a pas de chanson à proprement parler, mais des lettres. Alors certes, il y a quelques chansons dans Passion, mais ce sont des chansons qui ressemblent à des arioso, des chansons avec des assertions très simples. Clara. Clara, I cried. I cried. Imagine that, a soldier who cries. I had to hide my eyes so the others on the train that carried me away from you would think I was asleep. Music? That's Signora Fosca playing. My cousin. She is in such poor health, it's a continual worry. She stays in her room most days, reading. I can't find enough books for her. I also love to read. I've brought a few of my favorite ones. I'd be most happy to lend them to Signora Fosca, although I can't promise they will appeal to her. Captain, my cousin's been given to reading military handbooks. I've no doubt she will welcome anything in print. Ashamed of your tears, I love you for your tears. Your absence only makes my love grow stronger, and when I cannot bear it any longer. Don't be alarmed, it's my cousin. I'm so accustomed to her outbursts that I forget how unsettling they are to a newcomer. This is hell. Living hell. Living hell. This godforsaken place. Godforsaken place. This sterile little town. These pompous little men. This military madness. Military uniforms. Uniforms. Military madness. Madness. My days are spent in maneuvers. Uniforms. My uniforms. Discussing the day. This is hell. My nights are spent in thinking of you. Don't forget me, Clara. How could I forget you? Yesterday I walked through the park to the knoll where we met. Afterwards I sat on the bench where we sat all that sultry afternoon. I thought about our room, our little room, where we were happy. We shall be happy again. Someday I see us in our room, our little room, and I don't feel so alone anymore. I close my eyes, imagining that you are there, imagining your fingers touching mine, imagining our room, the bed, the secrecy, the world outside, your mouth on mine, Captain. Quelques lettres échangées entre Clara et le militaire, et puis voilà qu'apparaît cette femme qui interpelle le militaire, Captain, cette cousine, Fosca, qui intrigue d'abord Giorgio et dont il tombe ensuite amoureux. Stephen Sondheim l'a dit, le film d'Ettore Scola est inspiré lui-même d'un roman épistolaire, une histoire vraie d'Ugino Ugo Tarchetti. Comme dans le film, Fosca, dans la comédie musicale, apparaît après une très longue attente. On l'a entendu jouer au piano. Tout à l'heure, on l'a entendu aussi crier de douleur alors que le militaire, puis les soldats, à la manière d'un chœur antique, lisaient, chantaient quatre lettres échangées entre Clara et Giorgio. Et donc, la voici Fosca. J'ai demandé à Stephen Sondheim comment il avait imaginé ce moment de l'apparition de Fosca dans la comédie musicale et comment il a travaillé avec le librettiste James Lapine, qui a écrit donc le livret du spectacle. We just talk. We talk with every collaborator. I talk for many weeks before writing to determine where songs belong, why should songs be in the piece. And where should they be? On discute, hein. C'est ce que je fais avec chaque collaborateur. On discute de nombreuses semaines avant de se mettre à écrire. On détermine pourquoi il devrait y avoir des moments chantés dans l'œuvre et où on devrait les placer si on décide d'en mettre. Donc, on travaille de façon un peu routinière. Vous savez, on s'est plus basé sur le livre que sur le film. Pour introduire le personnage de Fosca, j'ai écrit sa première chanson, I Read. Je me suis dit, c'est sa première scène. Elle ramène un livre au soldat qui le lui a prêté. Ben voilà, c'est le thème de la chanson. Dans cette première chanson, on a besoin de la présenter au public, de dire quelque chose de son caractère. C'est ce que dit la chanson. Something about who she is. I hope I didn't startle you. Signora Ricci, I'm Captain Bacchetti. Bacchetti, I know. My cousin has told me all about you. I came to thank you for the books. I would have sooner, but I've been so ill. Well, now you seem to be feeling more normal. Normal? I hardly think so. Sickness is normal to me as health is to you. Excuse me. I shouldn't speak of my troubles. I have been going through a period of deep melancholy. So enjoy the novel by Rousseau. Oh, it's wonderful. My favorite, really. The character of Julie is a great mystery. You should have kept the book longer to meditate over. I do not read to think. I do not read to learn. I do not read to search for truth. I know the truth. The truth is hardly what I need. I read to dream. I read to live in other people's lives. I read about the joys the world dispenses to the fortunate and listen for the echoes. I read to live, to get away from life. No, Captain, I have no illusions. I recognize the limits of my dreams. I know how painful dreams can be unless you know they're merely dreams. There is a flower which offers nectar at the top, delicious nectar at the top, and bitter poison underneath. The butterfly that stays too long and drinks too deep is doomed to die. I read to fly, to skim. I do not read to swim. I do not dwell on dreams. I know how soon a dream becomes an expectation. How can I have expectations? Look at me. No, Captain, look at me. Look at me. I do not hope for what I cannot have. I do not cling to things I cannot keep. The more you cling to things, the more you love them, the more the pain you suffer when they're taken from you. You can never have a disappointment. I must be mad to chatter on about myself like this to you. Forgive me. I assure you. No, forgive me, please. But truly, there is nothing to forgive. Have you explored the town? It is remote, isn't it? And provincial, don't you think? Yes. And everything so brown, the streets, the fields, the river even, though there are some lovely gardens. You do like gardens, I hope. Yes. Good, I can show you gardens. And then, of course, there is the castle. The ruined castle. I find it lovely. Probably because it's ruined, I suppose. I didn't know there was a castle. I like to take excursions there when I'm in better health. Perhaps you'll join me and my cousin one day. Well, that would be delightful. I don't believe I've seen a flower or a garden since the day I arrived. C'est Donna Murphy qui a créé le rôle de Fosca à Broadway en 1994 et c'est Nathalie Dessay qui va reprendre ce rôle au Théâtre du Châtelet dans 10 jours. Alors toute la troupe est actuellement en pleine répétition. J'ai rencontré Nathalie Dessay et je lui ai demandé ce qui l'intéressait dans cette comédie musicale et puis si elle connaissait la partition. Bonjour Nathalie Dessay. Bonjour Laurent Vallière. Moi je la connaissais pas. J'ai dit oui avant même de l'écouter et avant même de regarder le rôle. Ah bon ? Oui. Vous faites comme ça ? Non, mais là oui. C'est-à-dire, d'habitude, je regarde comment c'est écrit, la tessiture. Là, je savais que c'était microphoné, donc je savais que quelle que soit la tessiture, je pouvais le faire. C'est pas du tout pareil qu'à l'opéra, où quand un rôle n'est pas pour votre voix, vous allez probablement avoir des difficultés à l'incarner. Encore que, mais bon. Alors que là, à partir du moment où on est microphoné, tout est possible. Ça pose aucun problème. Moi, ce qui m'a plu, c'est ce personnage vraiment si bizarre et vraiment si loin de moi. Alors, quand vous avez découvert la partition, vous vous êtes dit quoi ? Que c'était beau et que j'avais eu raison d'y aller au feeling. Vous trouvez ? De toute façon, je savais que Sondheim, c'était de la belle musique. Je prenais pas trop de risques. Ça aurait été un compositeur que je ne connaissais pas. Bien sûr que j'aurais regardé la partition, parce que là, je me serais méfiée. Avec Sondheim, j'ai aucune raison de me méfier. C'est beau, quoi qu'il fasse. Il y a quelque chose d'extrêmement original et poétique chez lui, qui n'appartient qu'à lui et qui est de très grande qualité. C'est-à-dire cette façon de mêler les mots avec la musique. Je trouve que ses paroles, par exemple, puisqu'il fait les paroles des chansons, il n'écrit pas le livret, mais il fait les paroles des chansons, ses paroles sont très très belles, sont celles d'un poète. Et qu'il écrive la musique aussi, personne ne fait ça. Normalement, il y a quelqu'un qui écrit les paroles d'un côté et quelqu'un qui écrit la musique de l'autre. C'est très très rare d'avoir quelqu'un qui fait les deux. Je savais que c'était vraiment une musique de très grande qualité et de très grand raffinement. Loving you is not a choice, it's who I am. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice, but it gives me purpose, gives me voice to say to the world, this is why I live. You are why I live. Loving you is why I do the things I do. Loving you is not in my control, but loving you, I have a goal for what's left of my life. I will live, and I would die for you. Une version très particulière de la chanson d'amour de Fosca, Loving You, où elle déclare sa flamme au capitaine dans Passion, la comédie musicale de Steven Sondheim. Elle était ici interprétée par un homme, Mandy Patinkin. Alors au Châtelet, dans 10 jours, Nathalie Dessay incarnera cette femme malade et laide du film Passion d'amour, transformée en comédie musicale. Pour Nathalie Dessay, contrairement à ce que certains disent, Passion de Steven Sondheim ne se rapproche pas d'un opéra. Non, je trouve pas. Moi, je trouve que de toute façon, Sondheim, il se rapproche de rien que je connaisse. Il a un univers tellement particulier, tellement personnel. Ça ne me fait pas penser à un opéra, d'abord parce qu'il y a de grandes scènes parlées, donc soit ça arrive jamais à l'opéra, sauf à l'opéra comique éventuellement, mais là on est dans une... Moi j'appellerais ça une tragédie musicale en fait, c'est un genre à part, je ne savais pas que ça existait. Pour moi il y avait les comédies musicales, les opérettes, les opéras comiques, les opéras bouffes, mais les tragédies musicales, je ne connaissais pas. Et c'est voilà. Comme une tragédie musicale? Bah, c'est comme une comédie musicale, sauf que c'est triste et que ça finit mal. Et qu'on danse pas. Je vous donne... La partition, elle n'a pas de difficulté particulière, mais elle est facile à apprendre. Non, mais elle est difficile à apprendre, difficile à retenir aussi. Ah ouais. Parce qu'il y a pas mal de mots, parce que... Elle a été difficile à apprendre aussi parce que les harmonies sont parfois étranges, les changements d'harmonie sont parfois étranges. On est un peu toujours sur la même note et puis soudain on change d'harmonie sans crier gare. Donc ça, oui, j'ai mis un peu de temps à m'y faire, mais là maintenant c'est surtout me rappeler des paroles qui est difficile. Mais comme d'habitude, hein. Quelle que soit la langue, moi, me rappeler des paroles, ça aurait été le problème de ma vie. Giorgio, I too have cried inside. You must not be ashamed of your tears. I love you for your tears. Your absence only makes my love grow stronger. And when I cannot bear it any longer. Imagine surviving the Battle of Alessandra only to lose your life to an aide-de-camp in a duel. An aide-de-camp will do. Don't be alarmed. It's my cousin. I am so accustomed to her outbursts that I forget how unsettling they are to a newcomer. My apologies for not warning you. Doctor? Excuse me. Sergeant, are there any more carrots? Seconds for you, Lieutenant? Can I take this as a compliment? No, Sergeant. My horses are hungry. In time, Captain Bichetti. You too will get used to life among us. Clara, I'm in hell. This is hell. Living hell. Living hell. This godforsaken place. This godforsaken place. This sterile little town. These pompous little men. This military madness. This military madness. Military uniforms. Uniforms. Military madness. My days are spent in maneuver. Uniforms, my uniforms. My evenings in discussing the day. This is hell. My nights are spent in thinking of you. Don't forget me, Clara. C'est le Canadien Ryan Silverman qui interprétera le militaire au Châtelet dans Passion, la comédie musicale de Steven Sondheim. Alors, il a déjà incarné ce rôle il y a 3 ans. C'était à Broadway, pour la reprise du spectacle. Je lui ai demandé quelles étaient les différences entre ce que nous verrons au Châtelet, dans la mise en scène de Fanny Ardant, et la production dans laquelle il a joué à New York. Et aussi, je lui ai demandé ce qui l'intéressait dans ce personnage de Giorgio. I'm Ryan Silverman. Hello. I play Giorgio and he is the... he's in the army and along the way he meets a character named Fosca who... Is the opposite of what he... Je joue donc Giorgio, un militaire. Il rencontre Fosca, qui incarne l'inverse de sa vision de l'attirance et de la beauté. Sa conception de l'amour change du début à la fin. C'est donc un trajet très intéressant pour un personnage et une étude intéressante sur la beauté et la passion. How different... Will it be here? Vous avez déjà joué ce rôle à New York. Quelles vont être les différences avec la production d'il y a 2 ans à New York? Ça sera très différent. New York, it was at a tiny theater. And there was no set, no costume changes. À New York, c'était dans un théâtre minuscule. Il n'y avait pas de décor, pas de changement de costume, une distribution réduite. Le Châtelet, vous savez, c'est un théâtre immense. Nous serons entourés d'un grand ensemble. Il y aura des changements de costume. What Fanny's doing is interesting. She's finding a different way to introduce the characters so that. Et puis aussi, ce que fait Fanny Ardant est intéressant. Elle a trouvé une autre façon de présenter le personnage de Fosca. Ce n'est pas seulement qu'elle est laide. La première fois qu'on la voit, on n'est pas horrifié. It's her persistence, it's her constant prodding of him that makes him. Ce n'est pas sa physionomie qui commence à rendre Giorgio fou, c'est son obstination, son insistance sur lui qui lui fait perdre les pédales. Et c'est important parce que c'est plus intéressant. Du coup, le public a plus de facilité à accepter la fin de l'histoire. Fanny is going to even do make that leap even more acceptable, even more believable, because she's making the characters really complex and not. Fanny Ardant rend le personnage plus complexe, pas noir et blanc, et ça c'est excitant. My dearest Fosca. Please. My dearest Fosca. I wish I could forget you, erase you from my mind. But ever since I met you, I find I cannot leave the thought of you behind. That doesn't mean I love you. That doesn't mean I love you. I wish that I could love you, please. I know that I've upset you. I know I've been unkind. I wanted you to vanish from sight, but now I see you in a different light. And though I cannot love you, I wish that I could love you. For now I'm seeing love like none I've ever known. A love as pure as breath, as permanent as death, implacable as stone. A love that, like a knife, has cut into a life I wanted left alone. A love I may regret, but one I can't forget. I don't know how I let you so far inside my mind, but there you are, and there you will stay. How could I ever wish you away? I see now I was I remain always your Giorgio. Giorgio. Judy Kuhn interprétait Fosca en 2013 à New York dans Passion, la comédie musicale de Stephen Sondheim que nous découvrons ce matin sur France Musique. Le directeur musical au Châtelet sera Andy Einhorn. Alors c'est un habitué de Broadway, il a dirigé récemment la création sur scène de Cendrillon, Cinderella, la comédie musicale de Rodgers et Hammerstein, et aussi de Coup de feu sur Broadway, la comédie musicale inspirée du film de Woody Allen. Il est aussi le directeur musical d'une très grande interprète, Audra McDonald. Je vais demander quelle était pour lui la particularité de cette comédie musicale de Stephen Sondheim. I think this is one of the most romantic scores of Sondheim's. You have glimpses of this kind of romanticism in a piece like Sunday in the Park with George. Je pense que c'est l'une des partitions les plus romantiques de Stephen Sondheim. Il y a du romantisme aussi dans Sunday in the Park with George, la comédie musicale, la relation entre George Seurat et son modèle. Mais là, dans Passion, c'est Sondheim au sommet du romantisme et même de l'opéra. Il n'y a pas un moment où le public peut applaudir, la musique est omniprésente. C'est composé intégralement, du début à la fin, comme un opéra. I believe Stephen Sondheim said it's a... Stephen Sondheim dit que la partition de Passion est comme une seule et unique chanson. Est-ce que vous êtes d'accord? One could almost think of it as in classical music in terms of theme and variations. Oui, pour moi cette partition c'est comme dans la musique classique, thème et variation. En début on entend la chanson Happiness et le motif qu'on y trouve sera développé à travers toute la partition, déguisé parfois, étendu, développé. Extensions and developments of this idea, so that the idea of the piece is that it's just continually rolling forward and never. C'est comme si la musique ne s'arrêtait jamais, avançait continuellement et ne revenait jamais en arrière. C'est vraiment à la toute fin du spectacle que vous avez enfin un accord stable. C'est la première fois qu'on y a droit depuis le début du spectacle. C'est fascinant. The town that is remote, isn't it? And provincial, I'm filling up our room, our little room, with every flower in bloom. The time has come to face the truth. Signorina, these pompous little men, this military madness. Uniforms, uniforms. Imagining your fingers touching mine, an unattractive imagining woman. Imagining our room, the is bed, easily the deceived. Secrecy, the world outside, your mouth on mine. My dearest Giorgio, the end is near. The time has come for me to surrender life gracefully. These past 2 days, since you have left, since we were together, have been a revelation. Now at last I see what comes from feeling loved. Strange how merely feeling loved you see things clearly. Things I feared, like the world itself, I now love dearly. I want to live. Now I want to live. Just from being loved, all that pain I nursed inside for all those years, all that vain and bitter self-concern, all those tears and all that pride have vanished into air. Now that I am loved, I don't want to leave. Everywhere I turn, you are there. Everywhere I look, things are different. Everything seems right. Everything seems possible. Every moment bursts with feeling. Why is love so easy to give and so hard to receive? But though I want to live, I now can leave with what I never knew. I'm someone to be loved. someone to be loved. And that I learned from you. I don't know how I let you so far inside my mind, but there you are and there you will stay. How could I ever wish you away? I see now I was blind. And should you die tomorrow, another thing I see, your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live in me. Your love will live. L'accord final de Passion dans le final de Passion, cette comédie musicale. C'était en 2013 à New York avec Judy Kuhn. Passion, la comédie musicale de Sondheim, est enfin célèbre aussi pour ses difficiles débuts à Broadway. J'ai demandé à Stephen Sondheim, le compositeur, s'il était vrai qu'à sa création, lors des premières représentations à New York, le public avait parfois tendance à rire. Yes, yeah, there, yes, because she is such an emotional character. The audience tended to distance themselves by laughing at her pain. Oui, c'est vrai. And, vous savez, Fosca est un personnage si émouvant, les spectateurs avaient tendance à prendre de la distance en riant de sa souffrance. Il y a plusieurs raisons. L'histoire se déroule au 19e siècle, ce qui semblait un peu ridicule pour le public d'aujourd'hui. The whole thing of a woman leaving a lock of her hair when she dies. Par exemple, lorsque l'héroïne décide de léguer une mèche de ses cheveux à sa mort, c'était quelque chose de très courant à l'époque, mais à New York, les spectateurs ont ri. So all we did was with each performance, we would see where it was that the audience was mistakenly laughing, where we didn't. On a travaillé, on a regardé où à chaque représentation le public riait de façon indue, où on ne voulait pas qu'il rie, et on a changé tous ces moments où on ne voulait pas qu'il rie. Du coup, le jour de la première, il n'y avait plus de rire. Did you hear that scream last night? Did anybody not? Four ball in the side. She knows how to scream all right. Well, she practices a lot. Good shot. Six ball in the corner. So that wasn't dying, we assume. No, I think she just fell off her broom. Or they hung a mirror in the room of La Señora. La Señora! La Señora! Please a little quiet! Care to play, Captain? No. Thank you for asking. Just a bit aloof, don't you think? Not around the colonel. Gentlemen, gentlemen. Never trust a man who doesn't drink. And he keeps a journal. Eight ball off a nine. Maybe though he just prefers his books. Not as much as he prefers his looks. Which is why he thinks he's got his hooks into La Señora. Gentlemen, I'll make a wager. Come the summer, he'll be major. I'll say. I'll say. I'll say. Il y a quand même des moments un peu comiques dans Passion, comme ces chœurs interprétés par les soldats qui chantent des ragots. Passion, c'est donc à découvrir à partir du 16 mars au Châtelet, et vous pourrez l'entendre en intégralité sur France Musique, samedi 23 avril, dans Samedi à l'Opéra, puisque France Musique captera cette comédie musicale. J'aurai le plaisir de vous présenter le concert dans sa intégralité, ça sera donc samedi 23 avril. À 19h, dans l'actualité des comédies musicales, notez la deuxième édition d'un des rares livres français sur la comédie musicale, Le Musical, paru aux éditions Bellon. écrit par Géléry, scénariste, critique, enseignant dans le domaine de la comédie musicale. C'est à la fois une histoire de la comédie musicale, une étude de différents genres existants et aussi de nombreuses études de cas. Dans la première édition, l'auteur s'arrêtait sur Sondheim, sur Andrew Lloyd Webber, sur des œuvres comme My Fair Lady. Pour cette nouvelle édition, il ajoute des chapitres consacrés à ce qu'on appelle les comédies musicales jukebox. Il s'intéresse aussi à Bollywood et aussi aux comédies musicales à la française. Et là, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il analyse précisément l'histoire des comédies musicales en France, à partir des opérettes jusqu'aux super productions actuelles, et semble assez pessimiste sur la situation actuelle. Il déplore, je cite, qu'on enseigne que le minimum est suffisant pour faire carrière dans cet art total et aussi exigeant que le musical. Le livre, le musical, est paru chez Bellon Éditions. Et puis notez, dimanche prochain à 11h, un concert de comédie musicale au Théâtre du Châtelet, avec notamment cet extrait de My Fair Lady. Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have bed. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. While all at once my heart took flight, I only Le concert My Fair Broadway par le chœur d'enfants Sotto Voce, c'est dimanche prochain à 11h au Châtelet sur francemusique.fr. Vous retrouverez le podcast de 42e rue, les références des disques diffusés, cette actualité des comédies musicales, les infos sur notre prochain concert que nous enregistrons jeudi à 19h en compagnie de Liz Calloway, artiste de Broadway. Et puis notez qu'à partir du 20 mars, 42e rue et France Musique lancent la nouvelle édition de leur concours, parce que nous aimons tellement la comédie musicale que nous voulons vous la faire partager, et nous vous offrirons chaque semaine des aller-retour à Londres pour assister à un spectacle à partir du 20 mars. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, avec Sophie Salio-Marie, Emmanuel Rose, Martine Moni, Philippe Petit. Nous dédions cette émission ce matin à notre ami Pierre Potier, réalisateur de la 42e rue et de nombreuses émissions sur France Musique, qui nous a quittés cette semaine bien trop tôt. Rideau.